nostalgie pour adulte. Aime-moi. Une nostalgie pour adulte. Aime-moi tant que je t'aime. Une nostalgie pour adulte. Aime-moi pour qu'elle m'aime. Une nostalgie pour adulte avec Virginie. Aimez-vous. Une nostalgie pour adulte avec Philippe. Bien, bonjour à tous, je me présente, je suis Virginie Guédu, productrice de Solange Productions et donc en fait avec l'auteur créateur de la société Solange Productions, on a décidé de créer un podcast. Avant de se lancer dans les épisodes, on a décidé de faire une espèce d'épisode zéro de présentation à la fois de l'équipe et du podcast pour vous expliquer un peu le concept, le pourquoi du comment et comme ça vous serez tout sur nos raisons de faire cette nouvelle émission et de vouloir la partager avec le plus grand nombre. Donc voilà, donc moi je suis Virginie Guédu, principalement productrice dans la vie, dans l'audiovisuel et le cinéma, dans les fictions, dans les histoires animées. Et je travaille en grande partie avec Philippe Solange, qui a créé sa propre structure Solange Productions il y a un peu plus de 4 ans, bientôt 5 ans maintenant, que je vais laisser se présenter à vous par lui-même. Philippe, à toi. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Donc je suis Philippe Solange, je suis réalisateur, auteur à Solange Productions. J'ai donc cette société depuis 4 ans, développe divers projets. On a une ligne éditoriale très précise, très ciblée. La culture qui correspond à cette ligne éditoriale, c'est la culture dont on va vous parler dans les divers épisodes de ce podcast. J'ai un parcours, je vais sur mon parcours. Ouais, tu peux y aller parce qu'il est quand même très intéressant. Oui. Alors, j'ai commencé donc par faire des courts-métrages fantastiques. J'avais déjà le style que j'ai actuellement. Puis, j'ai travaillé dans le porno. Ma culture étant une culture vintage, underground, mes réalisateurs cultes de l'époque avaient souvent commencé par le porno. Donc, pour moi, c'était une évidence. Je devais commencer par le porno. Et j'ai donc commencé... Non mais c'est bien, continue. Donc le porno, parce que tu voulais suivre en fait le parcours de tes idoles de l'underground qui étaient passés par cette voilà. Fiction aussi. Au début, je pensais faire du porno tel qu'on pouvait le faire dans les années 70, avec du fantastique, etc. etc. La réalité de l'époque m'a rattrapé. Mais j'ai pris un véritable goût à faire ce métier qui est artisanal, avec les gens avec lesquels je le faisais, et a vraiment développé un savoir-faire qui a été récompensé par le succès des films que je réalisais. Mmh. Donc il y a une grosse partie de ma carrière qui est pornographique. D'accord. Et en voilà. Tant que réalisateur et acteur. Et acteur. Et acteur. Je vous expliquerai d'ailleurs dans les podcasts pourquoi souvent les réalisateurs sont devenus acteurs. Il y a une raison. Oui, il y a une vraie raison. Et on découvrira du coup au fur et à mesure des épisodes dans le podcast, le parcours vraiment très atypique et intéressant de Philippe. Mais Philippe, du coup, est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge tu as commencé du coup dans le porno? Comment c'est arrivé? Très vite. D'abord, je l'ai fait par moi-même. Donc vraiment, début majorité, je commençais à faire du porno autoproduit. Tout seul. Tout seul. Parce que c'était à l'arrivée des moyens techniques légers. J'ai vite travaillé avec une production qui était importante à l'époque. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et avec lequel j'ai fait beaucoup de scènes gays et hétéro. Et c'était En tant que réalisateur aussi. Et acteur, voilà. Et acteur. Et ça a été une très bonne expérience. D'accord. Okay. Alors, faut dire qu'au-delà de l'underground, au-delà de. Il y a quand même une prédisposition. Parce que moi, je pars du principe que le sexe n'a que l'importance qu'on lui donne. Et donc, on peut très bien faire du porno totalement épanoui. Mmh. Comme on peut le faire pas épanoui, dans ces cas-là, il ne faut pas le faire. Et c'est pareil pour n'importe quel métier. Oui. Voilà. Mais moi, je me souviens que durant mon enfance, j'avais déjà un esprit underground. Et j'étais un peu fasciné par. Par tout ce qui était un petit peu les mystères du sexe parallèle, on va dire. Des autres formes de sexualité, ouais. Peut-être, non ? Oui, oui, oui. J'étais fasciné par les sex shops. Je n'avais pas le droit d'y rentrer. Je n'étais jamais rentré, mais à l'époque, il y avait ces rideaux en sorte de lanière qui bougeait un peu au fil du vent devant les sex shops. Donc, il y avait un côté monde mystérieux. Pareil pour les rayons et les jaquettes et les films porno dans les vidéoclubs aussi, parce que là, je pouvais y aller. Mmh. Et pour moi, elles avaient une aura fantastique. C'était un peu mon Game of Thrones. D'accord, c'était... Ouh là là, attention. Et j'aimais... Donc tu vois, là, j'ai fait une référence actuelle. Oui, oui, bravo. Il n'y en aura plus de toute la saison. Oui, parce que vous découvrirez au fur et à mesure aussi du podcast que Philippe Paula reste plutôt vraiment coincé dans cette période entre les années 70-90. Je suis coincé, j'y suis bien. Et il adore, voilà. Donc les références actuelles seront très, très, très rares, ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, donc j'avais j'avais une approche particulière de la sexualité. Toi, ce qui te plaisait finalement, c'était le côté de transgresser un peu les normes, les conventions établies. Et, je me mettais dans... De bouger les limites. Quoi, dans toutes les minorités, j'étais partant. D'accord, super. Dès qu'il y avait quelque chose... Parce qu'il faut se dire aussi que dans les années 70-80, quand on faisait partie d'une minorité, on mangeait. Que ce soit gay, etc. Mais... Oui, c'était difficile quand même. J'aimais cette appartenance. Et je la revendiquais. Et j'allais dans une sorte de provocation. J'aimais ce côté hors norme, quoi. D'être Côté hors norme, et puis j'avais ce sens d'affirmer je fais ce que je veux. Oui. Voilà. Par rapport à une morale sociale où les gens veulent toujours vous faire entrer dans une case, dans un système précis. Donc, j'étais prêt à endosser même des marginalités n'étant pas les miennes. Simplement pour montrer que tu étais libre de choisir ce que tu voulais. Ouais. C'était même un réflexe bête, mais c'était un réflexe. Donc ça, plus mon goût pour les créateurs underground, tout ça, je me suis retrouvé dans le porno très vite. D'accord. Et ça a été d'ailleurs, je me suis senti bien parce que j'étais entouré de gens bien, le producteur était quelqu'un de bien. Mmh. Je faisais chose rare, je tournais ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais. Oui, la confiance totale. Totale. Quoi. Et donc voilà, ça a été une expérience qui a duré, qui est une bonne expérience. En plus, à un moment, j'ai quand même réessayé, comme ça, pour voir de rentrer dans le cursus standard. Et je me souviens, j'avais donc fait la démarche pour être admis à une école de cinéma. Mmh. Et dont nous tairons le nom par politesse, mais une école renommée à l'époque, encore aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, il y avait un examen qui était pas plus dur que ça, parce que comme c'est une école privée, le but était de prendre du monde. Donc ça, ceux qui payent sont bienvenus. Voilà, donc l'examen qui était une formalité, aucun problème. Puis après, on devait se présenter et présenter un scénario devant le responsable de l'école. Donc mon scénario était... Alors ça peut paraître désuet aujourd'hui, mais il faut se remettre à l'époque. Oui. Mon scénario était déjà un peu trash et j'ai affirmé mon homosexualité. Oui. Et donc, le directeur d'école m'avait dit « Mais vous êtes homosexuel ? Et vous le dites ?» Il est très surpris, c'était premier degré. Oui. Oh oui. Et donc, vu en plus le côté un peu transgressif de mon scénario, il m'avait dit « Mais ici, nous sommes une école propre. Mmh. » Oui. Et dans ma tête, en fait, ça m'avait fait super plaisir, parce que, outre le fait de ne pas être pris, ça signait, ça soulignait que mon appartenance n'était pas là. Voilà. Que mon appartenance était dans le milieu décalé, underground, quel qu'il soit. D'accord, ok. Voilà. Dans l'univers inconnu qui sort des normes et qui finalement est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. Tout à fait. C'est d'ailleurs moi, je suis gay, comme je viens de vous le dire, mais j'ai un esprit vraiment ouvert, donc c'est pour ça qu'on se dit hétéro-friendly. Exactement. Et je suis ouvert et je suis curieux des autres. C'est pas parce que je fais partie... j'ai une appartenance particulière que seule mon appartenance m'intéresse. Oui, oui, oui. Donc voilà, on a ce côté très, très ouvert et qui fait que je m'entends bien avec tout le monde. Oui, c'est vrai, je peux le confirmer. Et du coup, donc, il y a cette branche finalement vers un parcours beaucoup plus classique qui aurait pu t'amener peut-être vers une carrière cinématographique, je dirais plus lambda, plus accessible grand public, qui finalement t'a retranché encore plus vers d'abord le porno et finalement ton propre style pour toujours coller à tes idoles trash underground de l'époque. Mais en fait, mon style, voilà, bon, c'est ça, on est, je pense, tous les artistes pareils, c'est ma culture mélangée avec ma personnalité. Oui, on c'est fait ça, voilà. Exactement. Je ne fais pas des films de fans ou d'époque. Oui. C'est-à-dire que moi, je fais, enfin j'espère, de la vraie création. Et on n'est pas du tout juste dans le fait de faire du vintage ou du film qui ressemble à un tel ou un tel. Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Mmh. Et puis le vintage, j'ai le charme du vintage parce qu'il a été fait à une certaine époque. Donc ça n'a aucun intérêt de le repomper maintenant. Par contre, c'est ma sensibilité, c'est mes goûts. Et je crée avec ça. Voilà. Et c'est ces goûts et cette sensibilité-là qu'on va vous développer en fait au fil de l'histoire de ce podcast qui n'est pas prêt de s'arrêter, pour lequel on a déjà écrit plusieurs sujets. Et donc l'idée en même temps, c'est de à la fois partager finalement ce qui t'a nourri, ce qui a construit ta personnalité et surtout ta culture, et qui permet d'expliquer après du coup tes propres créations et toi ta vision des histoires et ce que tu veux mettre en avant et comment tu les racontes. Tout à fait. D'ailleurs, le nom du podcast, une nostalgie pour adultes, ça vient parce que j'ai aussi une culture d'horreur à la base. Hein. Mais pourquoi il faut se remettre aussi en tête? À cette époque, dans les années 70, l'horreur et le porno et l'érotique étaient des genres cousins. C'était des films pour adultes, donc les films interdits aux moins de 18 ans, qui avaient un côté sulfureux à peu près équivalent. Donc, qui étaient vraiment dans le même sac. Ça a changé depuis. Donc, dans cette nostalgie pour adultes, on parle de ces trois décennies, 70, 80 et 90, avec toute cette culture pour adultes, donc à la base interdit aux moins de 18 ans, et puis aussi cette culture humaine et sociale à travers justement ce côté, par exemple, lieu de rencontre, sexualité décalée, etc. etc. Donc du coup, nous, le nom du podcast, c'est une nostalgie pour adultes, justement pour faire référence avec le « pour adultes », à cette ombrelle généraliste qui, à l'époque, englobait à la fois tout ce qui touchait à l'érotisme, à l'horreur, au gore, enfin à tout ce qui était interdit, comme tu l'as très bien dit, au moins 18 ans. Et donc, il n'y avait pas vraiment de distinction, finalement. C'était une grande ombrelle, comme ça, qui regroupait tout, ce qui a permis aussi des mix un peu étranges, genre les films érotico-fantastiques ou les films horreur porno, quoi. Et donc, nostalgie, pourquoi? Parce qu'on reste bien avec Philippe dans cette tranche qui va des années 70 aux années 90, et vous verrez qu'on ne va pas beaucoup plus loin. Non, j'ai prononcé Game of Thrones, c'est fini. Voilà, c'était vraiment le top du top de la modernité de Philippe, et c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même la série à pas rater. Donc, bien, bravo. Et donc voilà, donc en fait, avec Philippe, on travaille depuis un petit moment ensemble, hein, depuis bientôt, on se connaît depuis un peu plus de 4 ans maintenant, voilà, enfin, on se côtoie régulièrement. Et du coup, on est assez, je dirais quand même assez, je dirais pas complice, mais assez cordial l'un envers l'autre, pour se dire qu'on allait partager avec vous donc ces petites discussions pour vous permettre de rentrer dans l'univers de Solange Productions et aussi partager ce patrimoine dont tu es très à la fois nostalgique, respectueux et dont tu aimes souvent raconter les anecdotes, les histoires et qui explique aussi la culture, la base, je dirais le socle de base sur lequel se fondent les productions Solange Productions. Et ce que j'espère pouvoir qu'on pourra apporter, c'est aussi un regard et une manière de parler de ça. Oui. C'est-à-dire même quand on parle du porno, on a un vrai sens culturel, une nostalgie bienveillante. On n'est pas là pour faire tomber dans le scabreux ou le voyeur. On a vraiment, voilà, il y a vraiment une volonté culturelle à travers ça. Tout à fait. Et donc, à travers chaque épisode, nous espérons vous surprendre et vous captiver avec cette culture totalement décalée et vous en apprendrez plus sur ces sujets qui sont passionnants, tout en passant des bons moments quand même divertissement et chaleureux avec nous. Enfin, en tout cas, on l'espère. Plus avec toi qu'avec moi. Oui, parce que tu me sens plus chaleureuse que toi, c'est ça? Je pense que c'est faux. Je pense que tu es chaleureux. Une voix de rêve. Écoute, calme-toi, je sais déjà que je ne suis pas ton genre. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode 0, on peut dire, qui est un petit peu l'intro, pour savoir déjà un petit peu qui on est. Et je vous invite à nous écouter tout de suite sur l'épisode numéro 1, qui va parler de quoi, Philippe? du début du porno amateur dans les années 90. Voilà tout un programme. Eh bien, écoutez, on vous embrasse et on vous dit à plus tard. Ciao. À bientôt.